الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui le samedi 7 Shawwal de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 30 mai 2020. Nous nous retrouvons pour poursuivre ensemble, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, à partir du livre de l'imam Ismail ibn Umar ibn Kathir al-Qurashi al-Dimashqi, rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'appelle Al-Fusul fi Sirati al-Rasul. On a parlé de la bataille de Hunayn, qui a eu lieu directement après la conquête de Mecca, la conquête de Mecca qui a eu lieu dans le mois de Ramadan de l'année 8 de l'Hégire. Et vous constatez que la plupart des batailles du prophète alayhi salatu wa salam se sont déroulées dans le mois de Ramadan, surtout les batailles les plus importantes. Ramadan ou juste après le mois de Shawwal. Donc, après la conquête de Mecca, Nabi Isa al-Salam est parti vers le combat des tribus de Hawazin. Les tribus de Hawazin, et la rencontre s'est déroulée dans une vallée qui s'appelle Hunayn, qui se trouve entre Mecca et Taif. Taif, c'est à peu près à 60-70 kilomètres de Mecca. Donc, s'est déroulée cette grande bataille très importante et on a vu comment le combat a mal commencé. Et on a vu également que dans cette bataille, il y a eu une erreur de certains compagnons radiallahu anhum, c'est qu'ils ont pensé qu'ils ne seront pas vaincus à cause de leur petit nombre. Et comme s'ils étaient touchés par une forme de ujb. Allah Azza wa Jal a décrit cela en disant لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Dans le sens approximatif, Allah dit, Allah vous a secouru en divers endroits. Le jour de Hunayn, notamment, vous exultiez en raison de votre nombre, lequel ne vous a servi à rien. La terre était trop étroite pour vous, en dépit de sa vastitude. Puis, vous avez pris la fuite et tourné le dos. Mais dans la suite des versets, Allah dit ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah fit par la suite descendre sa quiétude sur son messager, sur les croyants. Il fait descendre des armées que vous ne pouviez voir et soumis au supplice ceux qui ont mécru. Voilà la rétribution des mécréants. Donc, ici, c'est une erreur au niveau de l'aqida, l'ujb. Les savants citent que entre la bataille, yani parmi ceux qui ont cité ça, c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, entre la bataille de Uhud et de Hunayn, on trouve les deux problèmes qui peuvent être la cause de la défaite, qui peuvent être la cause de la défaite. Donc, dans la bataille de Uhud, c'est une erreur au niveau de la deuxième attestation de foi. qui est l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et serviteur d'Allah. Donc c'est une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a failli leur causer la défaite et qui a été la cause de beaucoup de morts, 70 ce jour-là. Mais on a vu que dans chaque chose, Allah azza wa jalla a des sagesses immenses. Mais sinon, la cause, c'était celle-là. Donc, c'est une lacune dans la deuxième attestation de foi. Contrairement à la bataille de Hunayn, où l'erreur est en lien avec la première attestation de foi, avec l'aqida, la croyance, le dogme, c'était ce sentiment d'autosatisfaction et de suffisance qui a pu créer et donner comme une certaine arrogance, et non pas comme ils pensaient tout le temps, yani, que la victoire vient d'Allah Azza wa Jal. Et la victoire, c'est pas yani, le fruit du grand nombre ou de l'équipement de l'armée, mais la victoire, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était un rappel alors par rapport à ce point. Et on a vu que dans cette bataille, il y a eu ces compagnons qui étaient novices dans l'islam, qui venaient d'entrer dans l'islam justement après la conquête de Mecca, et qui ont sorti, et qui sont sortis dans cette bataille, et ils ont demandé au prophète alayhi salam de leur désigner un jujubier, un arbre, pour y accrocher leurs armes. En pensant que ça pouvait être une source de baraka. Et Nabi alayhi salam les a blâmés et leur a montré la vérité par rapport à ce point. Et regardez, Nabi alayhi salam, une erreur dans l'aqida, il la réforme immédiatement. Il se dit pas là, on sort pour le combat des ennemis, on laisse ça plus tard, il n'y a pas d'urgence. Non, ça c'est des points qui se règlent immédiatement. Donc après cette bataille de Hunayn, on a vu que donc dans la première partie de la bataille, les croyants ont été surpris par yani, leurs ennemis et ils sont entrés sur la place dans laquelle s'est déroulée la bataille. À un moment, il faisait encore sombre et à un moment dans laquelle la vision n'était pas claire. C'est ça qui a fait que leurs ennemis leur ont sauté dessus et les ont attaqués comme un seul homme. Comme il leur avait dit, leur maître, Malik ibn Auf, al-Nasri. Et on a vu que Malik ibn Auf est entré dans l'islam par la suite. Et par la suite, avec la force et le courage qu'Allah a accordé à son noble prophète, alayhi salatu wassalam, et également avec les quelques-uns de ses compagnons qui sont restés autour de lui, ils ont réussi à faire face aux kuffars. Et l'Abbas, radiallahu anhu, suite à la demande du prophète, alayhi sallam, n'a cessé d'appeler les compagnons, chacun par son mérite. Il appelait les Ansar, il appelait ceux qui ont fait le pacte d'allégeance, il appelait les compagnons, chacun pour son mérite, jusqu'à ce qu'ils se sont ressaisis, radiyallahu anhum, et ils se sont tournés vers le combat, alors qu'ils avaient pris la fuite avant, ils se sont tournés vers le combat de leurs ennemis, radiyallahu anhum, et on a vu que tellement ils sont revenus vite dans le combat, que ceux qui ne pouvaient pas faire demi-tour avec la monture, ils délaissaient la monture, ils descendaient de la monture, ils prenaient uniquement les armes et ils se joignaient au prophète alayhi salatu wassalam. Et dès qu'un nombre important était autour du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont commencé à combattre leurs ennemis d'une manière très forte et très courageuse et ils ont pu les vaincre très rapidement. Parmi les causes, le retour des croyants, mais parmi les causes également, c'est que le Nabi alayhi sallam a pris une poignée de petits cailloux ou de terre, selon les versions, en tout cas, et il l'a jeté sur le kuffar et c'est entré dans leurs yeux. Et après cela, ils étaient tous vaincus. Ils étaient tellement rapides, vite et rapidement vaincus, qu'ils ont pris la fuite et les croyants les ont poursuivis et ils en ont tué beaucoup, ils en ont emprisonné beaucoup. Donc ça, c'est le résumé à peu près de ce qu'on a vu dans le cours dernier. Et on a vu également que l'armée de Hawazin qui a été vaincue après sa défaite, il y en a qui ont pris la fuite vers un endroit qui s'appelle Awtas. C'est une autre vallée, pas très loin de Hunayn. Et on a vu que le Nabi Issa Salam ne les a pas laissés fuir. Il a envoyé une expédition derrière eux, à sa tête Abu Amir. Et ceux qui ont fui vers Awtas, ils étaient du nombre de 600. Et l'expédition de Abu Amir, radiyallahu anhu, ont pu tuer 300 de ces 600. 600 combattants. Et ils ont emprisonné les autres. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, donc le Nabi alayhi salam, après cette victoire écrasante qu'Allah azzawajal lui a accordée ainsi qu'à ses nobles compagnons dans la bataille de Hunayn, malgré que cette bataille a mal commencé. Mais rapidement les croyants se sont ressaisis et Allah Azzawajal leur a permis la victoire. Dans cette bataille, on a vu qu'il y a eu énormément de butin pour les croyants. Il y a eu 6000 parmi les enfants et les femmes, sans compter les prisonniers parmi les hommes. Ça, c'est uniquement les femmes et les enfants qui rentrent dans les butins de guerre. Et il y a eu 4000 ouqiyas d'argent. Ouqiya, c'est à peu près 30 grammes. Si on multiplie ça, ça donne 12 000 grammes d'argent. Donc c'est énorme. Pour l'époque, c'est énorme. Et les musulmans ont eu 24 000 chameaux et plus de 40 000 brebis. Et Nabi alayhi salam n'a pas partagé ce butin, il l'a gardé, surveillé à un endroit qui s'appelle Jirrana, et il est parti directement vers Taif, car une autre partie de l'armée qui a fui le combat de Hunayn après leur défaite, ils ont fui vers Taif, vers la ville de Taif. Donc c'est juste à côté. Et Taif, c'était connu. Les gens de Taif, déjà, eux, ils étaient préparés pour combattre le prophète, alayhi salam. Et ils avaient rénové leur bastion. Et les murailles, ils avaient tout rénové. Et ils avaient fabriqué également des armes spéciales pour combattre le prophète, alayhi salam, et les croyants, derrière leur forteresse et leur bastion, tels que des catapultes et des choses comme ça, qu'ils ne connaissaient pas avant, mais quand ils ont entendu que le prophète sallam est sorti de Medina, ils ont envoyé certains de leurs hommes, d'ailleurs qui n'ont pas participé dans la bataille de Hunayn, pour apprendre comment fabriquer ces choses-là, ces armes. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Et le Nabi alayhi sallam, donc ils étaient bien préparés pour le combat. Ceux qui ont fui également de Hawazin, ils sont partis vers Taif. Ils se sont joints à Thaqif. Et Thaqif, parmi eux, qui ont participé dans le combat, on a vu. Dans ce combat, il y avait les Thaqif et les Hawazin. Et parmi ceux qui ont fui vers Taif, le chef de toutes ces troupes de Hawazin qui étaient Malik ibn Awf al-Nasri. Et Allah alam, je l'ai dit là, le cours précédent, quand Nabi al-Sallam l'a cherché, il ne l'a pas trouvé, il a dit « Il est où Malik ibn Awf ?» Ils lui ont dit qu'il a fui vers Taif. Il leur a dit « Dites-lui que si jamais il vient muslim, je lui donnerai tous ses biens et toute sa famille et je lui donnerai en plus 100 chameaux. » Et quand Malik ibn Awf a entendu ça, il a rusé pour fuir Taif et fuir les gens de Thaqif, parce que s'ils avaient entendu qu'il allait rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et devenir musulman, ils l'auraient tué. Il a rusé pour les fuir sans qu'ils se rendent compte, et effectivement il a rejoint le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il est devenu musulman, et c'est devenu un des bons. Yani, son islam était bon, et même c'est lui qui va mener la bataille contre Thaqif. Parce que Thaqif, comme on va voir, ils ont résisté. Ils ont tellement résisté, et ils ont provoqué des blessés chez les musulmans, un grand nombre de blessés, comme on a vu, car ils étaient bien protégés derrière leur bastion, et ils attaquaient le musulman de loin. Et le musulman n'était pas équipé pour les combattre de cette manière. Ils ont fait plusieurs tentatives, comme on va voir, mais ça n'a pas réussi, yani toutes n'ont pas réussi. Et c'est Malik ibn Awf qui va mener les combats contre Thaqif par la suite, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi salam, donc on a, comme on a dit, il est parti, il s'est dirigé vers Taif, il les a assiégés. Ce siège, il y a une divergence sur le nombre de jours que ça a duré, ça a été rapporté qu'il a duré à peu près une quinzaine de jours, ça a été rapporté que ça a duré plus de, d'une vingtaine de jours. Ibn Hazm dit que c'est ça l'avis le plus juste. C'est-à-dire plus d'une vingtaine de jours. L'imam Ibn Kathir, il dit, je ne sais pas d'où il a authentifié cet avis. Il l'a considéré le plus juste. Il a dit peut-être qu'il l'a déduit quand Nabi Isa Salam a dit à Hawazin, quand ils sont venus musulmans, il leur a dit que je vous ai attendu, yani j'attendais votre islam pendant plus d'une vingtaine de nuits, c'est-à-dire la durée du siège. Donc peut-être qu'il a déduit ça d'ici. Mais ce qui est rapporté dans les deux authentiques, c'est que le siège a duré 40 jours. C'est énorme, 40 jours. Et malgré ça, les Thaqifs ont résisté et se étaient bien protégés. Et ils ont tué 12 parmi les musulmans avec leurs flèches. Leurs archers ont tué une douzaine de croyants qui sont tombés martyrs ce jour-là. Et ils en ont blessé beaucoup. Ils en ont blessé beaucoup. Par contre, d'eux, ils n'ont été tués que 3. Quand Nabi Isa Salam a vu le nombre de dégâts, yani dans son armée, et que c'était sans intérêt de rester, il a demandé à ses compagnons d'arrêter le siège et de repartir à Mecca. Et au début, les compagnons, dans la majorité, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient continuer le siège jusqu'à vaincre Thaqif. Parce que Thaqif, là, c'est une des grandes tribus, des dernières, qui ont résisté encore aux croyants. Donc, ils voulaient les vaincre. Et Nabi alayhi salam les a laissés pendant un certain temps. Et ensuite, il leur a fait la même proposition. Quand le nombre de morts et de blessés a augmenté encore plus. Et ça a atteint 12. Et les blessés, beaucoup. Quand ça a augmenté encore, il leur a fait à nouveau cette proposition. Et là, ils ont accepté de suite. Et le Nabi alayhi salam sallam a souri quand il a vu leur acceptation et il a demandé de quitter les endroits. Ça s'est rapporté dans les deux authentiques. Et tellement les musulmans ce jour-là, c'est pendant cette période, ils ont, yani, les thaqifs leur ont fait du mal, ils ont subi d'eux, et yani, dans leur résistance, ils ont demandé au prophète alayhi salam sallam d'invoquer Allah contre thaqif. Mais le Nabi alayhi salam sallam a dit Allahumma hdi thaqifan. Dans, authentique dans les sunan de Tirmidhi. Il a dit, oh Allah, guide les thaqifs. Et effectivement, comme on va le voir, ils sont tous venus muslimines plus tard. Pendant la durée du siège, Nabi alayhi salam avait dit à ceux de thaqif qui souhaitaient quitter, sortir du siège et venir vers lui, et entrer dans l'islam, qu'il les accepte, yani, et qu'il ne leur fera pas de mal. Et 23 hommes, ce jour-là, sont sortis et sont venus vers le prophète, alayhi sallam, muslimin. 23 hommes. Les muslimins sont arrivés, on a vu que la conquête de Mecca, c'était vers la fin du mois de Ramadan. Ensuite, les compagnons avec le prophète alayhi salam sallam sont sortis vers Hunayn dans le mois de Shawwal et ils sont arrivés à Taif vers la fin de Shawwal. C'est là où le siège a commencé. Et le Nabi alayhi salam sallam également pendant ce siège, il détruisait certains parmi les biens apparents de Thaqif. Il a coupé certains arbres et il a détruit certains de leurs vergers, yani des biens apparents. Et quand ils ont vu ça, ils l'ont supplié de ne pas faire cela. Et Nabi alayhi salam a arrêté de le faire, effectivement. Après ce siège, et comme Nabi alayhi salam n'a pas pu avoir yani la soumission de Thaqif, des gens de Taif, et dans certains récits il est rapporté qu'Allah Azza wa Jal n'a pas voulu la soumission des gens de Taif, de Thaqif. Ensuite Nabi Isa salam a décidé d'arrêter ce siège et de partir vers Al-Ji'irana. C'est là où il avait laissé tous les butins de Hunayn. Et quand Nabi alayhi salam est arrivé à Al-Ji'irana, il n'a pas commencé le partage des butins tout de suite. Il a attendu quelques jours. Il espérait que les Hawazin viennent muslimines. Et comme ça, ils récupèrent leur butin. Yani, ce qui a été pris d'eux. Qui est un butin pour le muslimin. Effectivement, les Hawazin sont venus, muslimines, soumis à Allah et à son messager, avant le partage des butins. Il leur a donné le choix entre leurs femmes et enfants et leurs biens. Et bien évidemment, ils ont choisi d'avoir leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Et ensuite, Nabi alayhi salam, il a dit, ce qui est à moi, ce qui me revient dans ma part dans ce butin, il est pour les Hawazin. Pour moi, ce qui me revient à moi, ainsi que gens de ma famille, les Banu Abdul Muttalib. Et l'Ansar et le Muhajirin, quand ils ont vu Nabi alayhi salam faire ainsi, ils ont dit la même chose. Ils ont dit au messager d'Allah, également notre part dans ce butin, on la redonne à Hawazin. On leur donne notre part également. Donc, tous les compagnons ont rendu leur part dans ce butin. Et ça vous démontre encore une fois que malgré que le butin c'est quelque chose qui est autorisé pour le muslimin, et c'est parmi les choses avec lesquelles Allah Azzawajal a motivé les croyants pour combattre dans le sentier d'Allah. Bien évidemment, on combat pour que la parole soit la plus haute, mais il n'y a aucun mal à vouloir le butin également, à condition que l'intention et le mobile principal, que ce soit, yani, que la parole d'Allah soit la plus haute et faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité. Mais ça ne contredit pas la sincérité de vouloir également, en deuxième lieu, une partie dans le butin. Mais bien évidemment, quelqu'un qui combat uniquement pour que la parole d'Allah soit la plus haute et la plus élevée, celui-là, il a une sincérité plus forte que celui qui veut également le butin. Donc, Nabi Isa Salam et la plupart des compagnons ont rendu leur part dans le butin à Hawazin, après leur islam. Et Hawazin, si vous rappelez, ce sont les tribus dans lesquelles le prophète Isa Salam a passé sa jeunesse. Et c'est dans la tribu de Bani Sa'd qu'il a été allaité par Halim al-Sa'diya. Donc il a des liens avec eux. C'est pour ça, Nabi Isa Salam a reconnu ce mérite qu'ils avaient sur lui et il leur a rendu directement toute sa part dans le butin et ensuite Sahaba l'ont suivi. Excepté Al-Aqra' ibn Habis et Uyayna ibn Hizn et leur tribu. Ado, c'était les deux, les chefs de leur tribu. Ils n'ont pas refusé, ils n'ont pas accepté jusqu'à ce que Nabi Isa Salam leur a promis de leur remplacer cette part dès le prochain butin. De leur remplacer cette part dès le prochain butin. Car eux et leur tribu les ont suivis. Tous, ils ont dit au messager d'Allah, nous on veut notre part. C'est notre rizq. Il nous est autorisé. On ne veut pas leur donner. On a combattu, ils nous ont combattu. Ils auraient pu nous tuer. Donc c'est notre droit. Et effectivement, c'est leur droit. Et Nabi Isa Salam leur a demandé de le rendre quand même et qu'il allait leur remplacer leur part dans le butin dès le prochain butin. Nabi Isa Salam n'a rien pour leur donner. Tout ce qui lui vient, il le partage instantanément, alayhi salatu wassalam. Il ne garde rien pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un autre chef de tribu qui s'appelle Abbas ibn Mirdas al-Sulami, de la tribu de Banu Sulaym. Lui aussi, quand il a vu que Nabi Isa Salam leur a promis le remplacement, il s'est dit, pourquoi pas nous également? D'accord, on veut bien le rendre, mais s'il y a moyen d'avoir quelque chose plus tard, il n'y a aucun mal. Mais sa tribu n'était pas d'accord avec lui, les Banu Sulaym, radiallahu anhum. Mais ils ont offert leur partie au messager d'Allah alayhi salatu wassalam qu'il a rendu à Hawazin. Et donc ils ont rendu à Hawazin toute leur famille. Et comme on a vu, ils étaient plus de 6000 entre femmes et enfants. Et parmi les femmes qui étaient prises prisonnières ce jour-là, Ash-Shayma bint al-Harith ibn Abd al-Uzza, de la tribu de Bani Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin. Shayma, c'est la sœur d'allaitement du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la fille de Halima al-Sa'diya, la femme qui a allaité le prophète alayhi salatu wassalam dans la tribu de Bani Sa'd. Donc Shayma, c'est sa fille. Et le Nabi alayhi salatu wassalam ne l'a pas reconnue. Il est rapporté qu'il lui a demandé de lui donner un signe. Elle lui a cité une scène qui s'est passée quand il était avec eux, yani dans sa jeunesse, à Bani Sa'd. Une morsure ou quelque chose comme ça. En tout cas, elle lui a cité un indice et Nabi Isa Salam s'est rappelé d'elle. Radiallahu anha. Elle est entrée dans l'islam, bien évidemment, avec tous les Bani Hawazin. Et Par contre, Halima al-Sa'diya, il y a des savants qui disent, parmi les savants de la biographie, qu'elle est venue également ce jour-là et qu'elle est entrée dans l'islam. Et il y en a qui ne savent pas, yani, ils disent, on ne sait pas, est-ce qu'elle est entrée dans l'islam ou pas, mais en tout cas, yani, on ne sait pas quelque chose qui nous permet de dire avec certitude au sujet de Halima. Contrairement à Shayma, radiyallahu anha, elle est entrée dans l'islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est souvenu d'elle et il l'a honorée, yani, d'une manière exceptionnelle. Alayhi salatu wassalam, il lui a donné beaucoup de bien et elle a choisi de retourner dans sa tribu. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé cela. C'est sa sœur d'allaitement. Ensuite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a partagé le reste du butin et il a donné la majorité de ce butin, qui était un butin extrêmement riche. Donc on a retiré les enfants et les femmes, il restait les chameaux, les brebis et les autres biens. La plupart de ce butin a été réparti par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur les dignitaires de Quraysh et les notables de Quraysh, certains parmi eux qui n'étaient pas encore devenus musulmans, tels que Safwan ibn Umayya. Et d'autres étaient nouveaux dans l'islam, mais c'étaient les maîtres de Quraysh. Et ils donnaient à chacun, yani, 100 chameaux ou plus. On a vu Safwan, il lui a donné une vallée remplie de chameaux et de brebis. Donc il donnait à chacun parmi eux 100 chameaux ou plus ou un peu moins. Et ce jour-là, comme je vous ai dit, il a donné à Safwan ibn Umayya 300 chameaux. C'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et dans d'autres versions, il lui a donné 100 chameaux, avec le reste qu'on a vu tout à l'heure. Et certains parmi l'Ansar, radiyallahu anhum, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné autant à Quraysh, yani comme s'ils étaient mécontents de cela, radiyallahu anhum. Comme s'ils étaient mécontents de cela, qu'Allah les agrée tous. Et quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a su, yani même c'est rapporté que certains ont dit, ils ont dit, yani comme s'ils ont désapprouvé yani ce partage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a yani donné plus à ses mécréants ou bien à ces gens qui sont nouveaux dans l'islam, car il leur a rien donné à eux. Il leur a rien donné. Quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a su cela, il les a réunis, il les a convoqués et s'est passé des choses yani remarquable ce jour-là. Yani, ça a été rapporté même que certains ont dit, quand c'est la dureté et la difficulté, c'est nous qui sommes convoqués, c'est-à-dire la guerre. Et quand c'est le partage des butins, ce sont les autres. Et ils ont dit qu'Allah fasse miséricorde au prophète, alayhi salatu wassalam. Bien évidemment, yani, quand vous entendez ça, c'est des compagnons, radiyallahu anhum. Mais c'est pas, yani, tout le monde a dit ça, mais c'est des compagnons qui ont dit ça, radiyallahu anhum. Ils ont dit qu'Allah fasse miséricorde au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il donne à Quraysh et il nous laisse nous sans rien, alors que dans nos épées, il y a encore les traces de leur sang. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Ça, est ce que je vous ai cité avant, quand c'est la dureté et la guerre, c'est nous qui sommes convoqués, et quand c'est le partage des butins, c'est les autres. C'est rapporté dans les deux authentiques. C'est-à-dire que ces hommes à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam donne, c'était leurs ennemis il y a quelques jours encore. dans la conquête de Mecca, et ceux qui sont toujours leurs ennemis, qui ne sont pas entrés dans l'islam. Et ils ont eu peur quand ils ont vu que le Nabi alayhi sallam donnait beaucoup à Quraysh. Ils avaient peur que le Nabi alayhi sallam essayait de les réconcilier pour s'installer parmi eux à nouveau et retourner à Mecca. Ça aussi, c'était très très difficile pour eux. Mais le Nabi alayhi sallam, quand il a su ça, il les a convoqués. Il les a convoqués tous, il les a réunis, uniquement l'Ansar. Radiallahu anhum. Et il a dit que uniquement l'Ansar vienne. Et il les a réunis tous. Et il a fait un discours dans lequel il a cité ce qui s'est passé et ce qu'il a appris. Il leur a dit qu'il a appris que vous étiez insatisfaits du partage du butin. Et que j'ai donné à certains en cherchant à les maintenir dans l'islam et peut-être pour qu'ils restent dans l'islam jusqu'à connaître la réalité de l'islam et la valeur de l'islam. Et Allah, par contre, vous, Allah a fait entrer la foi dans vos cœurs et vous a spécifié avec beaucoup de ses bienfaits et vous a donné les meilleurs des noms. N'acceptez pas vous que les gens partent avec les butins et que vous, vous partez avec le messager d'Allah. Il a dit par Allah, si ce n'était pas l'immigration, j'aurais préféré être un homme parmi les Ansar. J'aurais préféré être un homme parmi les Ansar. Et si les gens empruntent des voies et des routes, et que vous empruntez une autre, j'aurais emprunté la vôtre. Alors soyez satisfaits de ce que Allah vous a accordé. Quand ils ont entendu le prophète alayhi sallam dire ces choses, radiallahu anhum, ils ont beaucoup pleuré ce jour-là. Ils ont beaucoup pleuré les Ansar. Et ils se sont rappelés le bienfait d'Allah sur eux et de les avoir guidés vers l'islam. Et il leur a demandé, le Nabi Isa al-Salam, il leur a demandé de lui répéter ce qu'il leur a dit. Et regardez comment ils vont le répéter. Le Nabi Isa al-Salam, ce qu'il leur a dit, c'est qu'il a montré leur mérite et leur statut élevé dans l'islam. Mais eux, quand ils vont répéter, ils vont mentionner le mérite d'Allah sur eux et non pas leur mérite. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit au messager d'Allah, tu nous as trouvés dans les ténèbres et Allah nous a fait sortir par ta cause vers le paradis et vers les lumières de l'islam et de la foi. Et tu nous as trouvés sur le bord de la perdition, et Allah nous a sauvés par ta cause. Tu nous as trouvés égarés, et Allah nous a guidés par ta cause. Tu nous as trouvés faibles et démunis, et Allah nous a donné la puissance et la force par ta cause. Alors nous avons agréé Allah comme Seigneur, et l'islam comme religion, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Alors fais ce que tu souhaites au messager d'Allah. Fais ce que tu souhaites, on te l'a autorisé. Nabi Issa salam leur a dit, si vous avez répondu autrement, je l'aurais accepté de vous, je vous aurais dit que vous avez dit la vérité. Si vous avez dit, on t'a trouvé chassé par les tiens et nous t'avons abrité et protégé. On t'a trouvé démenti par les tiens et on a cru en toi et en ta véracité. Et on t'a soutenu pendant que les tiens t'ont abandonné et on a accepté de toi l'islam pendant que les autres t'ont rejeté. Il leur a dit, si vous avez parlé comme ça, je vous aurais dit la vérité. Mais ils ont dit, ô messager d'Allah, le bienfait d'Allah sur nous et le mérite d'Allah sur nous avec la guidée et que tu sois parmi nous est meilleur pour nous et plus grand que notre mérite. Et ensuite ils ont pleuré une deuxième fois et ils ont fait pleurer le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et ce qu'ils ont entendu du prophète alayhi salatu wassalam ce jour-là était meilleur pour eux que tous les autres butins. Radiyallahu anhum wa ardahum. Donc ça, c'est les croyants qui sont l'ansar et qui avaient une part dans le butin. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, il a donné avec sagesse, il a donné à des gens pour les ramener vers l'islam. Et il a donné à des gens qui étaient encore débutants dans l'islam pour les renforcer. Par contre, ceux qui étaient fermes dans leur religion, il les a délégués à leur foi. وَكَلَهُمْ إِلَىٰ إِيمَانِهِمْ. Et dès que Nabi alayhi salam leur a expliqué la sagesse et qu'ils l'ont comprise, ils ont accepté, ils étaient satisfaits du prophète alayhi salam. Et c'était une plus grande ni'ma pour eux d'avoir réalisé une fois de plus les mérites par lesquels Allah Azza wa Jalla les a comblés. Contrairement à la position de ces croyants sincères, il s'est levé un homme qui s'appelle Hurqus al-Tamimi, dont le surnom est Dhul-Khuwaysira. Cet homme, quand il a vu le partage du prophète alayhi salatu wassalam, il s'est rebellé contre le partage du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, ô Muhammad, sois juste, sois équitable. Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, malheur à toi, si je suis pas juste, qui le sera? Et Omar radiallahu anhu, quand il a entendu cet homme parler mal au prophète alayhi salatu wassalam comme ça, il a dit au messager d'Allah, laisse-moi lui couper la tête. Nabi alayhi salam a refusé. Il n'a pas refusé parce qu'il ne le mérite pas. Il a refusé de crainte que les gens pensent que le prophète alayhi salam tue ses compagnons. Et celui-là, il est considéré, il est avec ses compagnons. Radiallahu anhum. Cet homme, qui a été décrit pour avoir une barbe très épaisse et très fournie. Et il avait les yeux entrants et profonds. Et le front qui sort. Et il avait la tête rasée. Et son vêtement, il monte avec exagération. Et on sait que la sunna, c'est la mi-jambe. Et c'est autorisé entre la mi-jambe et la cheville. Mais lui, son vêtement montait d'une manière attirante. Et subhanallah, des gens comme ça, des takfiriyin, et ça, bien évidemment, c'est l'origine de takfir. Et c'est de lui que sortira takfir. C'est de cet homme qui sortira takfir. C'est l'origine de takfir, comme le Nabi alayhi salam l'a dit. Il a dit, إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا. Il sortira de cet homme de la même origine que lui. Ça peut être la même origine dans la tribu, comme ça peut être de la même origine que cet homme dans les idées et les pensées. Et pas forcément, tous les tekfirines sont les descendants de cet homme. Donc les deux sont possibles. Je vous disais que, subhanallah, jusqu'à nos jours, tu trouves que takfiriyin, qu'Allah nous guide et les guide, ils ont toujours cette apparence, comme a été décrit cet homme. Yani, une apparence dans laquelle ils cherchent la dureté. On parle pas de quelqu'un, Allah Azza wa Jalla l'a créé d'une manière. tu trouves qu'il ne sourit que très peu et il fronce souvent les sourcils et ils aiment bien se raser. C'est pour ça qu'il y a des savants qui détestent le rasage de la tête, le rasage complet de la tête, excepté dans les rituels. Le Hajj et l'Umra. Car c'est un signe de takfiriyin. Donc en tout cas, c'est des gens qui vont se donner des choses dans leur apparence pour avoir une apparence de dureté. Et quand vous regardez la biographie du prophète alayhi sallam, quand vous voyez sa façon de parler, quand vous voyez, quand on va voir par la suite, bi'idhnillah, dans la deuxième partie de ce livre, le comportement et les règles de politesse et de bienséance dont jouissait le prophète alayhi sallam, on voit que c'est pas la même chose que ces gens-là. Malgré leur excellence, leur exagération dans les adorations, et que c'est des gens qui lisent beaucoup le Coran, et qui jeûnent énormément, et qui prient beaucoup la nuit, tout ça, mais le suivi, ils n'ont pas le suivi de la sunna. Ils n'ont pas le suivi de la sunna. C'est pour ça que Salaf, il disait, peu d'actes en conformité à la sunna vaut mieux que beaucoup dans la non-conformité à la sunna. Bien évidemment. Peu d'actes conformes à ce que le Nabi alayhi sallam nous a enseigné est meilleur que beaucoup dans le bid'a. Donc le Nabi alayhi sallam a dit, il sortira de celui-là des gens qui récitent le Coran mais qui ne dépassent pas leur gorge. Ça signifie qu'ils n'ont pas la bonne compréhension. Ils n'ont de le Coran que la récitation. Mais leur compréhension, c'est pas la compréhension de Salaf, c'est pas la compréhension de Sahaba radiallahu anhum. C'est des gens qui s'insurgent contre les gouverneurs, que ce soit les savants et ceux qui détiennent le commandement parmi nous. Les deux sortes de gouverneurs. Et c'est pour ça que tu trouves que ces hommes, parmi le Khawarij, ils ne sont même pas donné la peine de revenir aux compagnons radiallahu anhum pendant leur vivant, alors qu'ils étaient présents. Et il y avait beaucoup de compagnons quand les premiers Khawarij sont apparus, ceux qui ont tué Uthman radiallahu anhum. Mais ils se sont jamais donné la peine de revenir vers eux et de demander leur avis. Ils avaient leur propre avis, comme ce que tu vois aujourd'hui. Des gens qui ont leurs avis, et ça y est, il veut plus rien écouter. Il veut écouter ni Ibn Baz, ni l'Albani, ni Ibn Uthaymin, ni Rabi' al-Madkhali, ni l'Fawzan, ni aucun de nos savants. Ils disent, ça c'est les savants des gouverneurs. Et ils se contentent de leurs opinions, comme ils l'ont fait les premiers Khawarij. Les premiers Khawarij, Sahaba étaient propagés. Mais ils se sont contentés de leur compréhension, de leur mauvaise compréhension des textes. C'est pour ça que le Nabi sallam a dit, ils lisent le Coran, ça dépasse pas leur gorge. Ça veut dire que ça n'arrive pas jusqu'à leur poitrine, jusqu'à leur cœur. Ça n'adoucit pas leur cœur. C'est des hommes qui ont les cœurs plus durs que les pierres. Wal'iyadu billah. Ils lisent le Coran, mais ils profitent pas de la lecture de le Coran. Ils lisent le Coran, mais ça ne leur est pas profitable, car il n'y a pas la bonne compréhension. C'est pour ça, quand tu débutes dans l'islam, fais très attention. Fais très attention. Comment tu commences? Avec qui tu commences l'islam? Tu commences avec des égarés, il y a de fortes chances que tu finisses dans les égarements. C'est pour ça, sahaba radiallahu anhu, et les salaf de manière générale, et beaucoup de salaf ont dit cette parole, tels que Sufyan al-Thawri et autres, rahimahumullah, ils ont dit, quand tu vois le jeune qui débute dans la religion, tu le vois débuter avec al-Sunnah, alors espère de lui, espère le bien de lui. Et si tu le vois débuter avec les gens de l'bid'a, alors désespère de voir du bien de lui. De manière générale, il finit avec eux. Car la première chose qui entre dans ton cœur, en général, c'est ce qui va rester. Alors fais très attention. Sache de qui tu prends la science. Wallahi, ça c'est un principe. Pourtant, c'est un principe fondamental parmi les principes de Al-Sunnah wal-Jama'a, de savoir de qui tu prends ta science. Et pourtant, on voit beaucoup de laxisme à ce niveau-là chez nos frères et sœurs qui se disent salafiyin et qui ne respectent pas ce principe fondamental parmi les principes de Al-Sunnah wal-Jama'a. Et ils écoutent des gens juste parce qu'il est étudiant dans le Jami'a Islamia, où il est diplômé, où il est ça, où il enseigne dans le Masjid Nabawi. C'est pas des critères, ya akhi. C'est pas des critères, t'es pas encore habilité à savoir le bien du faux et le distinguer. Reviens aux hommes de science et interroge-les. De qui tu peux prendre ta science? Et ne te contente pas de tes propres opinions. Il y a des gens, tu les entends, ils disent, Alhamdulillah, je l'ai écouté, je n'ai pas écouté de mal chez lui. Il parle qu'avec قال الله قال رسول الله اللهم بارك. Tu veux qu'il te parle avec la Bible et la Torah pour réaliser l'égarement? Tu veux qu'il te parle avec quoi pour réaliser l'égarement? Bien évidemment, ça, tout ça, c'est des paroles de salaf. Un autre salaf a dit, لو كان أهل البدع يحدثونكم في بدو مجالسهم ببدعهم لحذرتموهم. Il a dit, si les gens de l'innovation vous citez, vous parlez de leurs égarements et de leurs innovations dès le début de leurs assises, vous aurez été en garde. Mais ils vous parlent avec قال الله et قال رسول الله, avec le Coran et la Sunna, jusqu'à gagner votre confiance, et après ils propagent en vous leur venin. Ils propagent en vous leur venin. Alors soit en garde, ya akhi. Et sois salafi dans ta demande de science. Sache de qui tu prends la science. Renseigne-toi, c'est ton droit. Renseigne-toi sur tous ceux que tu souhaites écouter. Que ce soit parmi ceux qui parlent en arabe, les arabophones ou les francophones. Tu dois te renseigner avant d'écouter. Et ne te contente pas que le frère, son nom, il figure sur un site où le frère, il est avec un groupe. Il y en a même, certains de nos frères, ils peuvent ne pas respecter certaines choses. Ils sont pas infaillibles. Et le nom de quelqu'un qui n'est pas sur la même voie que eux, il peut figurer sur une liste de ses frères, alhamdoulilah, qui suivent la sunna. Si tu dois te méfier pour une chose, méfie-toi pour ta religion. Méfie-toi pour ta religion beaucoup. Et renseigne-toi avant d'écouter qui que ce soit. Renseigne-toi sur son manhaj, sur sa aqida. Et s'il est salafi dans le manhaj et l'aqida, après renseigne-toi sur son niveau de science. On prend pas la science de tout salafi sur terre. On prend la science d'un salafi qui a l'ilm et qui a étudié avec les grands savants ou qui est recommandé par les grands savants. Car on peut trouver certains de nos frères qui n'ont pas étudié avec les grands savants, mais alhamdoulillah, les savants ont vérifié leur compréhension de la religion et de l'islam et ils les ont recommandés. Mais écoutez n'importe qui, tous ceux qui parlent, tu finis par attraper les choubouhats et ton cœur est faible et les choubouhats sont fortes. Et après, tu te retrouves à défendre le batil, clair, comme le ciel, comme le soleil en plein milieu du ciel. Et tu le sais pas. Pourquoi? Parce que tu as fait des erreurs méthodologiques, akhta manhajiyya, qui t'ont fait tomber et qui t'ont fait arriver à ce stade-là où il n'y a aucune distinction entre le vrai et le faux. Contrairement à quelqu'un qui suit le manhaj salafi, avec munitie dans toutes ses affaires, bi'idnillah, il sera toujours préservé. Et même si le fitan arrive, il sera toujours ferme et il sera raffermi par Allah Azza wa Jal, quels que soient les fitan qu'il puisse traverser. Car le fitna, c'est pas pour quelqu'un qui connaît sa religion. Le fitna, c'est pour celui qui ne connaît pas sa religion. Quand on entend aujourd'hui une fitna, c'est quoi cette fitna? C'est un homme qui a boycotté les savants. Un homme qui dénigre les savants. Un homme qui critique les musulmans dans leur honneur, et c'est une fitna pour ceux qui connaissent pas leur religion. Amma celui qui connaît sa religion, walhamdulillah, les choses sont claires. On est triste de l'égarement de chaque musulman sur terre qui s'égare. On est même triste qu'un mécréant ne soit pas guidé dans la vérité. On est triste pour lui. Mais après, la position religieuse qu'on doit avoir vis-à-vis de lui, on doit l'avoir. Et on ne doit pas passer les sentiments avant la position religieuse. Qu'Allah nous le facilite à tous. Donc cet homme qui est Dhul Khuwaysira, il a dit au prophète Aïssa Salam, sois juste. Et Omar a voulu le tuer. Le Nabi Aïssa Salam l'a empêché par crainte que les gens pensent que Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tue ses compagnons. Il y a des gens qui ne sont pas encore entrés dans l'islam. Et ils entendent que le Nabi Aïssa Salam a tué Hurqus, At-Tamimi. Et pour eux, il est parmi les musulmans, il est avec les compagnons. Donc ils vont penser que le prophète Aïssa Salam, il tue ses compagnons, et ça peut être une raison qui les empêche d'entrer dans l'islam. C'est pour ça, pour cette maslaha très grande, le Nabi Aïssa Salam a délaissé cette maslaha, qui est de tuer un homme qui parle comme ça. Car l'autre maslaha, l'autre intérêt est beaucoup plus grand. Après l'islam de Malik ibn Awf al-Nasri, qui était le chef de Hawazin dans la bataille de Hunayn, le Nabi Isa al-Salam l'a désigné comme chef pour sa tribu. Il l'a maintenu dans son poste. Il l'a maintenu dans son poste et c'était un très bon musulman. Comme je vous ai dit, il a combattu même Thaqif jusqu'à ce que Thaqif soit devenu musulmane. Et une fois avoir partagé ce butin, le Nabi Isa al-Salam a fait une umra de Jirana. Et c'est la troisième umra que le Nabi Isa Salam a fait. La quatrième et la dernière, c'est celle qu'il va faire avec son pèlerinage d'adieu. Donc on a vu que le Nabi Isa Salam a fait quatre umra en tout. Et tout ça, l'imam Ibn Kathir, il va en parler dans la deuxième partie. C'est pour ça qu'on ne va pas s'attarder ici. Donc en tout cas, ça, c'est la troisième umra que le Nabi Isa Salam a fait. Il l'a fait à partir de l'Jirana, qui était en dehors de Mecca, donc dans le Hil. Et celui qui habite ou qui se trouve à l'intérieur du périmètre de Al-Mawaqit, les endroits à partir desquels on commence les rituels de l'Hajj et l'Umra, celui-là, quand il a l'intention de faire l'Hajj et l'Umra, il met l'intention à l'endroit même où il se trouve. C'est pour ça que Nabi Isa Salam a commencé sa Umra à partir de l'Jirana, il n'est pas sorti vers le Miqat. Et ensuite, il est entré à Mecca et il a fini sa Umra et aussitôt, il a commencé son voyage vers le Médina, son voyage de retour vers le Médina, alayhi salatu wassalam. Il a désigné comme responsable sur Mecca Attab ibn Asid, radiyallahu anhu. Et c'est ainsi, cette année, donc là, on est dans, on a vu qu'on est dans le mois de Shawwal. On est dans le mois de Shawwal. Quelques mois plus tard, ce sera la période de l'Hajj. Celui qui va faire l'Hajj pour la première année et qui va être le responsable des musulmans dans ce Hajj, c'est l'émir qui a été désigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Mecca, qui est Attab ibn Asid, radiyallahu anhu. Et c'était le premier qui a dirigé le pèlerinage. Le premier qui a dirigé le pèlerinage. Comme on va voir le deuxième pèlerinage, celui qui était à la tête de ce pèlerinage, c'est Abu Bakr Siddiq. Et le Nabi Isa Salam n'a pu faire le pèlerinage que dans l'année, que une année plus tard, qu'il est venu pour son pèlerinage d'adieu, et après lequel Allah Azzawajal a pris son âme. Après lequel Allah Azzawajal a pris son âme. Et il y avait des sagesses pour lesquelles Nabi Isa Salam n'a pas fait le Hajj ces deux premières années. Il ne l'a fait que dans la troisième année. Il n'avait pas la possibilité d'une, mais également, comme c'est rapporté dans un hadith authentique, parce que les Arabes avaient, Quraysh avait changé les mois. Et l'année où le Nabi allait faire le Hajj, yani ça a coïncidé avec les mois comme quand Allah Azzawajal, yani comme Allah Azzawajal les avait mis. Avec l'ordre que Allah Azzawajal les avait mis. Et c'est resté, ça s'est stabilisé ainsi. Ça s'est stabilisé ainsi. Ça c'est parmi les sagesses pour lesquelles Nabi Sallam n'a pas fait le Hajj la première année où c'était Atab ibn Asid, radiallahu anhu, qui l'avait fait. Et la deuxième année où il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq, il a envoyé avec lui Ali ibn Abi Talib, avec Sourate Tawba. Yani c'était Abu Bakr qui a dirigé les musulmans dans ce pèlerinage. Et Nabi Sallam il l'a fait la troisième année, alayhi salatu wassalam. Voilà pour la bataille de Hunayn et de Taif. Ensuite, Al-Nabi alayhi salatu wassalam est rentré, comme on a vu, il est rentré à Al-Madina et il est resté jusqu'à Rajab de l'année 9 de l'Hégire. Dans cette période, il n'y a pas eu des événements importants. Yani, à peu près 7 mois. 7 mois où Nabi alayhi salam, bien évidemment, quand on parle d'événements importants par rapport à ce genre de bataille et ces choses-là. Mais sinon, Nabi alayhi salam, il s'est libéré à enseigner et à propager la science parmi ses compagnons, radiallahu anhum. Jusqu'à le mois de Rajab de l'année 9 de l'Hégire, où Nabi alayhi salatu wassalam a entendu que Héracle, César, le roi des Romains, rassemblait une grande armée avec les tribus arabes qui étaient ses alliés. Il rassemblait une grande armée pour attaquer les musulmans. Pour attaquer les musulmans. Et Nabi alayhi salam, il est sorti le premier avant que Héracle n'arrive. Il est sorti le premier. Donc ça, c'est parmi les raisons qui ont été citées pour cette bataille de laquelle nous allons parler, la bataille de Tabouk. La bataille de Tabouk, qui s'appelle également la bataille de l'Usra, de la difficulté et des moments pénibles, comme Allah Azza wa Jalla l'a nommé dans le Coran. Donc le Nabi Azza wa Jalla est sorti. Il s'est rapporté, comme l'a cité l'Yaqoubi dans son tarikh, que le Nabi alayhi salam, il voulait venger les gens de Mu'tia parmi ses compagnons. Entre autres, Ja'far radiallahu anhu, Ja'far ibn Abi Talib. Vous rappelez la bataille de Mu'tia, cette expédition dans laquelle le Nabi alayhi salam a envoyé des compagnons et a mis à leur tête trois responsables, yani, d'une manière consécutive. Quand le premier est tué, que celui qui prend les rênes, c'est le deuxième. Et ensuite, le troisième. Donc, également, ça, c'était parmi les mobiles pour cette bataille, comme l'a cité l'Yaqoubi, que Nabi alayhi salam, il voulait venger ses compagnons qui ont été tués dans Mu'tia. Et l'imam Ibn Kathir a cité une autre sagesse plus générale, c'est que le Nabi alayhi salam a voulu sortir pour le combat des Romains afin de leur faire la da'wa. Afin de leur faire la da'wa. Car les Romains, parmi les autres races, les non-arabes, c'était les plus proches du prophète alayhi salam. C'était les gens les plus proches du prophète alayhi salam. Dans l'emplacement géographique, ils étaient proches de la péninsule arabique. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, il voulait sortir vers eux et leur faire la da'wa. Car ils ont un droit sur lui à cause de leur proximité. Et en plus, c'est parmi les gens les plus proches de l'islam. Car c'était des chrétiens. Donc des gens du livre qui croient déjà en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, ils sont plus proches de l'islam que les athées et les adorateurs du feu, les païens, ainsi de suite. Comme Allah Azza wa Jalla dit, « Ya ayyuhal ladhina amanu, قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Ô vous qui avez cru, combattez ceux des mécréants qui vous entourent et qu'ils trouvent en vous de la rudesse, et sachez qu'Allah est avec les gens qui le craignent pieusement, qui le craignent pieusement. Donc pour toutes ces raisons, Nabi alayhi salam est sorti pour cette bataille. Il est sorti dans le mois Rajab de l'année 9. Également car Allah Azzawajal avait révélé des versets dans lesquels il incitait les croyants à mener le jihad, le combat dans le sentier d'Allah, contre tous ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit: combattez parmi les gens ayant reçu les écritures, ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont proscrit, comme il y cite, et qui n'adoptent pas la religion de la vérité, ceux-là jusqu'à ce qu'ils viennent, le profil va verser de leur propre main le tribut de capitation. C'est cette taxe dont on a parlé précédemment. Donc, Nabi Isa Salam a incité ses compagnons à sortir pour le combat des Romains dans la région de Tabouk. Et Nabi Isa Salam, il avait comme habitude, à chaque fois qu'il souhaite sortir dans une bataille, il ne donnait pas, sa destination. Il cachait sa destination, excepté dans cette bataille où Nabi Al-Sallam a informé tout le monde qu'il allait se diriger vers les Romains, vers Tabouk, afin qu'il se prépare. La sagesse, c'est pour que ses compagnons se préparent pour cette bataille à cause du très grand nombre de leurs ennemis et des nombreuses difficultés qui entourent et qui ont accompagné cette bataille. Et parmi ces difficultés, c'est que cette année, c'était une année de sécheresse. Et c'était une année dans laquelle il faisait extrêmement chaud. Donc vous imaginez le mois de Rajab, c'est plein l'été. Il faisait très très chaud. Et c'était le moment, après une année de sécheresse, le moment où les fruits ont commencé à devenir mûrs. Donc après toute cette année de difficultés, de dureté qu'ont traversé les compagnons radiallahu anhum fil Madina, c'était le moment de profiter un peu des fruits qui commençaient à devenir mûrs. Donc c'était des conditions très très difficiles et pénibles, comme Allah Azza wa Jalla les a décrits. Pénible pour les croyants. Mais malgré ça, quand Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam les a incités à sortir pour le combat de ces Romains, ils se sont préparés. Et parmi ceux qui ont participé, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a incité ses compagnons à participer dans l'équipement de l'armée. Car c'était une année de grande pauvreté. C'est pour ça d'ailleurs cette bataille s'est appelée la bataille de l'Usra, de l'heure pénible, des moments pénibles, parce que c'était une grande pauvreté de laquelle souffraient les croyants, radiyallahu anhum. Et c'est pour ça que Nabi alayhi sallam a incité ses compagnons à aider et à participer chacun selon ses moyens. Et effectivement, sahaba, radiyallahu anhum, ont participé. Donc c'était des moments tellement difficiles que certains compagnons Pensez à ne pas sortir avec le Nabi Isa salam. Pensez à ne pas sortir avec le Nabi Isa salam. Comme Allah Azza wa Jalla dit, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Allah a accepté le repentir du prophète et des émigrés et des alliés, yani l'Ansar, qui l'ont suivi dans les heures pénibles. Après une hésitation, qui l'ont suivi, donc Allah Azza wa Jalla leur a accepté d'eux le repentir. Quand Nabi Isa salam a incité les compagnons à aider parmi ceux qui se sont avancés pour aider, et le plus grand d'entre eux, yani sans exception, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Il a donné ce jour-là radiyallahu anhu, au point où Nabi Isa salam a dit: ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm, ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Ou, afwan, ma darrabna affana ma amila ba'da al-yawm. Rien ne sera nuisible à Ibn Affan, c'est Uthman Ibn Affan, après ce qu'il a fait aujourd'hui. Et il a donné 1000 pièces en or pour équiper l'armée. Et il a été rapporté également qu'il a donné 1000 chameaux et 100 chevaux, et il a équipé ceux à qui ça a été donné, ces 1000 chameaux et ces 100 chevaux, il les a équipés entièrement, au point où ils ont dit qu'il ne leur manquait même pas un petit câble ou une muselière pour leurs chameaux. C'est-à-dire, il les a équipés, comme ils disent, de A à Z. Il ne leur manquait rien. Radiallahu anhu. Dans cette bataille, d'autres compagnons également ont participé. Mais personne n'a participé comme Uthman radiallahu anhu. Parmi ceux qui ont participé, l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, Talha, Sa'd ibn Ubada, Muhammad ibn Maslama, Asim ibn Adi, radiyallahu anhum tous. Et également les femmes, mes frères, ont participé ce jour-là. Et chacune donnait ce qu'elle pouvait. Il y a des femmes parmi les sahabiyat, radiyallahu anhum, qui ont donné leurs bijoux, qui ont donné l'or qu'elles avaient, des boucles d'oreilles, chacune ramenait ce qu'elle pouvait. Les compagnons tous y ramenaient, chacun selon sa capacité. Et on va voir qu'il y en a qui n'avaient rien. Et pourtant, ils ont fait des gestes et Allah a accepté d'eux. Donc également, les compagnons ramenaient, chacun selon sa capacité. Il y en a qui ramenaient quelques dattes. Il y en a qui ramenaient un sa' de dattes. Et le munafiqin, bien évidemment, les ennemis d'Allah, qui critiquent les croyants sur tout ce qu'ils font. Yani quand ils ont vu que certains compagnons, radiyallahu anhum, donnaient des petits dons, comme celui que je vous ai cité, quelques dates, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a dit d'eux? Il a dit: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. Dans le sens approximatif, Allah Azza wa Jalla a dit: ceux qui dénigrent aussi bien les croyants qui font volontairement de généreuses aumônes que ceux qui n'en font que dans les limites de leurs faibles moyens. Ceux qui donnent beaucoup, ils disent c'est par ostentation. Et ceux qui donnent peu, ils disent: qu'est-ce qu'Allah a à faire de cette sadaqa? Est-ce qu'Allah il a besoin de ces quelques dates que tu ramènes de chez toi? Mais ces croyants sincères n'avaient que ça. Et participer, comme Allah dit, chacun selon ses, même dans la limite de leurs faibles moyens. Ils se moquent d'eux, le munafiqin. Allah se moquera d'eux et ils auront un supplice très douloureux. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam de demander le pardon pour ces munafiqin. Il a dit: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Que tu implores pour eux le pardon ou que tu ne l'implores pas, même si tu l'implores pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera jamais. Cela parce qu'ils ont mécru en Allah et en son messager. Or Allah ne guide point les gens pervers. Et depuis Allah Azzawajal, depuis ce jour-là, il a interdit à son prophète alayhi salam de demander, d'implorer le pardon en faveur des munafiqin. Et il lui a interdit même de prier sur eux. Et Allah Azzawajal a accepté, comme un sahabi qui s'appelle Ulba ibn Zayd ibn Haritha, radiyallahu anhu. Zayd ibn Haritha, le sahabi très connu, celui qui a été élevé par le prophète alayhi salam. Son fils qui s'appelle Ulba, il est venu ce jour-là, il a dit au prophète alayhi salam, au messager d'Allah, je n'ai rien à donner fi sabilillah. Imaginez un homme, il a rien, il a même pas une date. S'il avait une date, il l'avait ramené. Il l'aurait ramené. Radiyallahu anhu. Pour imaginer la pauvreté dans laquelle était le sahaba radiyallahu anhum. Il a dit au messager d'Allah, ce que je donne pour Allah, c'est tous ceux qui ont dit du mal de moi, je leur pardonne. Ensuite, Nabi alayhi salam l'a convoqué, il lui a dit, sache qu'Allah a accepté ta sadaqa, rapporté par Ibn Hajar dans l'Isaba. Et également, ce jour-là, on a connu quelques sahaba, et Ulba ibn Zayd, radiyallahu anhu, il fait partie de 7 compagnons qui ont été connus ce jour-là par le nom de l'Bakka'in. Ceux qui ont pleuré, ces 7 compagnons, ils sont venus voir le Nabi alayhi salam. Ils lui ont demandé de leur donner des montures pour participer dans la bataille. Et le Nabi alayhi salam leur a montré la pauvreté dans laquelle étaient les muslimines et qu'ils ne pouvaient rien leur donner. Donc ils étaient excusés de participer dans la bataille. Mais malgré ça, ils sont rentrés en pleurant. Ils sont rentrés en pleurant. Comme Allah Azza wa Jalla dit, laysa 'ala ad-du'afa'i, mais avant de lire le verset, également d'autres compagnons n'avaient rien pour participer dans cette bataille. Et ils étaient également excusés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la tribu, les compagnons qui étaient avec Abu Musa al-Ash'ari, ils ont demandé à Abu Musa, qui était proche de Nabi alayhi salam, d'aller voir Nabi alayhi salam afin qu'il les équipe pour participer dans cette bataille. Et Nabi alayhi salam n'avait rien quand il est venu, n'avait rien alayhi salatu wassalam, et il leur a dit qu'il avait rien. Et par la suite, il a pu acheter 6 chameaux à Sa'd radiyallahu anhu, et il leur a donné pour participer dans la bataille, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc Allah Azza wa Jal a dit par rapport à tout cela, qui avait présenté des excuses et qui étaient valables, et ceux qui n'avaient pas les moyens, il a dit « Laysa ala al-du'afai wa la ala al-marda wa la ala al-lazina la yajidouna ma yunfiquuna haraj » Aucune possibilité de reproche ne devrait gêner les faibles, les malades ou ceux qui ne trouvent point de quoi dépenser pour la cause d'Allah. إذا نصحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Pour autant qu'ils soient sincères envers Allah et son messager, les bienfaiteurs, eux, ne méritent aucun reproche, car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Et aucune possibilité de reproche ne devrait gêner non plus ceux qui sont venus te demander des montures pour aller au combat et à qui t'as répondu je ne trouve rien sur quoi vous puissiez monter. Ils sont retournés alors les yeux emplis de larmes, affligés de n'avoir pas trouvé de quoi dépenser pour la cause d'Allah, subhanallah. Tout ça, mes frères et sœurs, démontre l'attachement des compagnons, radiyallahu anhum, à participer dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui réalisait la valeur du jihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré ceux qui n'avaient pas les moyens, et qui étaient malades, et qui étaient yani, extrêmement pauvres, même ceux-là, ils se font des reproches de ne pas avoir pu participer. Mais Allah Azza wa Jal les a excusés tous. Il a montré qu'aucun reproche ne doit être adressé à ces gens-là. Contrairement à ceux qu'on va voir maintenant, qui sont le munafiqin, au sujet desquels, yani, quand déjà le Nabi a commencé à se préparer pour cette bataille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Ils ont dit, ne sortez pas pour le combat alors qu'il fait très chaud. Dis-leur, le feu de l'enfer, le feu de la guerre est beaucoup plus chaud, si seulement s'ils comprenaient. Et parmi les munafiqines qui se sont excusés ce jour-là de participer dans la bataille, c'est un munafiq qui s'appelle Jadd ibn Qays. Si vous rappelez de lui, c'est le seul qui n'a pas fait le pacte d'allégeance au prophète Aïssa Salam dans le Hudaybiyah. Les 1004 ou les 1005 qui étaient avec Nabi Aïssa Salam, tous lui ont fait le pacte, excepté cet homme. Il s'est caché derrière sa monture. Et Uthman également, car il était à Mecca. Et c'est pour lui, justement, que le pacte a été fait. Mais malgré ça, il a fait le pacte, et c'est le Nabi Aïssa Salam qui l'a fait à sa place, et la main du prophète Aïssa Salam est meilleure pour Uthman que sa propre main. Donc, le Jadd ibn Qays, écoutez ce qu'il dit. Il est venu voir le Nabi Aïssa Salam, il lui a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai entendu que cette année, tu vas sortir pour le combat des Banu al-Asfar. » Banu al-Asfar, yani, la couleur blanche ou la jaune, yani, c'est comme ça qu'on appelait les Romains, à Rome. On les appelait également les Romains, à Rome, et on les appelait Banu al-Asfar. Car ils ont les cheveux, yani, comme vous savez, yani, les cheveux jaunes, de couleur jaune. Et la peau très claire, très blanche. Il a dit, j'ai entendu que tu sortais pour leur combat. Il a dit oui. Il a dit au messager d'Allah, excuse-moi de ne pas sortir avec toi et ne me mets pas et ne me tente pas. C'est quoi le tenter? Le tenter, il a prétendu que lui, c'est un homme qui aime beaucoup les femmes et qu'il a peur s'il voit les femmes des Banu al-Asfar. Allah musta'an. C'est munafiqin. Qu'Allah nous préserve de leur mal et qu'Allah nous préserve de le nifaq nous-mêmes déjà. Qu'Allah nous préserve de cela. Donc il a dit, ne me tente pas, car si je vois les femmes des Banu al-Asfar, je risque de faiblir et de ne pas résister. Et je suis un homme qui aime beaucoup les femmes. Et le Nabi alayhi salam lui a dit, vas-y, je t'ai excusé. Et c'est lui qu'Allah azza wa jalla a dit à son sujet, ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ceux qui disent, يعني parmi eux, يعني c'est les munafiqin, parmi eux, celui qui dit autorise-moi à ne pas aller au combat et ne me livre pas à la tentation. Mais n'est-ce pas la tentation qu'ils ont finalement succombé? Mais n'est-ce pas la tentation qu'ils ont finalement succombé? La gêne cerne de tout part les mécréants. Donc, Annie, il a prétendu qu'il pouvait ne pas résister face à la beauté des femmes, yani des Romains ou là des Byzantins. Moi, en tout cas, comme ça on les appelle en arabe. En tout cas, hada parmi les munafiqin. Et d'autres parmi les munafiqin sont venus également s'excuser au prophète Aïssa al-Salam. Ils sont venus s'excuser au prophète alayhi salam, et eux également, ils sortaient des excuses. Ils sortaient des excuses. Et le Nabi alayhi salam acceptait d'eux. Il a accepté d'eux leurs excuses. Pourtant, Allah Azza wa Jal a fait des reproches à son prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ. Puisse Allah te pardonner. Pourquoi donc leur as-tu donné la permission de ne pas participer au combat avant de reconnaître ceux d'entre eux qui disaient vrai et ceux qui mentaient? Et c'était des menteurs. C'était des menteurs et leur nombre était à peu près de 80. 80 munafiqs qui se sont excusés ce jour-là. Et d'autres munafiqines se réunissaient dans la maison d'un juif qui était encore au Medina, qui s'appelle Souaylim, le juif, et complotaient contre le prophète alayhi sallam. Nabi alayhi sallam, avant de sortir dans cette bataille, il est allé, il a brûlé la maison de Souaylim. Il a brûlé sa maison. Et d'autres munafiqines ont comploté également avant la bataille de Tabouk, avant cette bataille, yani ils avaient comploté et ils ont construit une mosquée. Ils ont construit une mosquée sous prétexte qu'ils habitent loin et que parmi eux il y a des faibles et des malades qui ne peuvent pas toujours se rendre à la mosquée du prophète A.S. Ils ont construit cette mosquée juste pour faciliter les gens qui habitent loin de la mosquée et qui ne peuvent pas se rendre. Et ça, c'est des mensonges. Subhanallah, ajib, surat al-tawba, c'est pour ça on l'appelle al-fadiha, celle qui dévoile, elle dévoile l'hypocrisie. Il y a certains savants, ils disent, si tu veux savoir est-ce que tu as l'hypocrisie, lis surat al-tawba et regarde est-ce que tu te retrouves dedans. C'est une surah qui a dévoilé l'hypocrisie, elle a détaillé l'hypocrisie, elle a cité les caractéristiques des hypocrites. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie. De النفاق, الرياء, الشقاق et سوء الأخلاق. Qu'Allah nous préserve de l'ostentation et de l'hypocrisie et du mauvais comportement. Amin. Donc ils ont fait cette ruse, mais Allah Azza wa Jal a dévoilé leurs vraies intentions. Allah Azza wa Jal a dévoilé leurs vraies intentions et il a dit والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. Ceux qui ont pris et qui ont bâti une mosquée pour en faire une source d'hostilité, de mécréance et de discorde entre les croyants, ou un lieu prêt à accueillir ceux qui auparavant avaient combattu Allah et son messager. Et ils attendaient l'arrivée de Abu Amir al-Fasiq, qui avait combattu le Nabi alayhi salam et qui avait participé aux côtés de Quraysh. Yani c'est celui qui est visé dans ce verset. Et il jure, nous n'avons voulu que bien faire, mais Allah atteste que ce sont des menteurs. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla a interdit à son prophète, alayhi sallam. Les annasi munafiqin, non seulement ils ont construit cette mosquée, mais ils sont venus voir le Nabi, alayhi sallam, ils lui ont demandé de venir prier dans leur mosquée, afin qu'ils puissent eux-mêmes prier dans cette mosquée. Et le Nabi, alayhi sallam, ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'il est parti à Tabouk. Et à son retour de Tabouk, Allah Azza wa Jalla lui a interdit de prier dans cette mosquée. Il a dit, لا تقم فيه أبدا. Ne t'y rends jamais pour prier. Une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété. La masjid أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يعني vaut mieux d'y prier. يعني une mosquée qui a été construite dès le premier jour sur la piété. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Là se trouvent des hommes qui aiment à se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Ça, c'est Quba et c'est le Masjid Nabawi également. Les deux rentrent dans ce verset. Mais la mosquée qui a été bâtie pour يعني combattre les musulmans, c'est la mosquée Masjid Dirar. Masjid al-Dirar. Nabi alayhi salam sallam, dès son retour de Tabouk, il est passé par cette mosquée, il l'a démolie. Il l'a démolie. Et il a brûlé cette mosquée, et Allah Azza wa Jalla lui a interdit de prier dedans. Et après, il y a eu la mort de Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était sorti avec Nabi alayhi salam sallam dans cette bataille de Tabouk, mais comme d'habitude, il a fait demi-tour, yani, en espérant ramener avec lui des hommes, mais il a fait demi-tour, yani, et il est revenu, il est mort après le retour du prophète, alayhi salallahu alayhi salam, et malgré tout ça, le Nabi alayhi salallahu alayhi salam, il voulait prier sur lui. Il voulait prier sur lui. Mais Allah Azza wa Jalla lui a interdit. Il lui a dit, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. Il ne prie jamais sur quelqu'un d'entre eux après son décès, et ne lui fait jamais de dua, n'implore jamais le pardon en sa faveur, et ne fait pas la prière sur le mort également sur lui, et ne te met pas sur sa tombe. Donc ça, c'est la deuxième partie de ceux qui n'ont pas participé dans cette bataille. Il y a une troisième partie qui sont des croyants sincères, qui sont des croyants sincères, mais qui ont faibli ce jour-là et qui n'ont pas participé. Yani, comme on a vu la difficulté, yani, et les moments pénibles dans lesquels ils étaient, la grande chaleur, tout ça a contribué dans cette désobéissance dans laquelle sont tombés ces trois compagnons. Et ce péché qui va se transformer en un grand mérite pour ses compagnons, pour voir que tout ce qui touche le croyant, c'est un bien pour lui. Ça, c'est une règle, et c'est une parole de Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui touche le croyant est un bien pour lui, quand il est sincère. Le munafir, tout ce qui le touche, c'est un mal. Le kafir, tout ce qui le touche, c'est un mal. Allah lui donne une voiture, il va être jugé sur cette voiture, fil akhira. Il va la payer, il va être châtié pour cette voiture. Allah lui donne une maladie, c'est un mal pour lui dans le dunya et un mal pour lui, fil akhira. Le croyant, tout ce qui le touche, est un bien pour lui. Les trois compagnons qui n'ont pas participé dans cette bataille sont Murara ibn Rabi' et Ka'b ibn Malik et Hilal ibn Umayya. Et Hilal ibn Umayya, il était âgé. Il était assez âgé, radiyallahu anhu. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, yani, les trois sont venus au prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, et regardez la différence entre le munafiqin. Le munafiqin, ils sont venus, ils ont présenté des excuses. Et le Nabi, alayhi salallahu alayhi wa sallam, a accepté d'eux. Contrairement à ses trois compagnons, ils sont venus voir le Nabi alayhi salallahu alayhi wa sallam et lui ont dit la vérité, qu'ils n'ont pas participé par faiblesse. Surtout Ka'b ibn Malik qui était jeune, radiyallahu anhu. Il a dit au messager d'Allah, j'ai jamais été aussi capable de participer dans une bataille comme celle-là. Mais j'ai faibli et Shaitan m'a découragé. Jusqu'à, je me disais, je vais attendre juste un jour et après je les rejoins. Deux jours, trois jours, jusqu'à ce que, savez, vous êtes partis. Il a dit la vérité. Nabi alayhi salam, quand il a entendu des trois, il leur a dit, par contre, ces trois-là, ils ont dit la vérité. Et il a ordonné à toute la umma de dénigrer, de boycotter ces trois compagnons. Et plus personne ne leur adressait la parole. Et pour parler de cet événement, il nous faut un cours à part. De parler de ce que ces compagnons, ces trois compagnons ont fait, et comment ça s'est déroulé, et comment ça s'est terminé quand Allah Azza wa Jal a révélé des versets dans lesquels il leur a accordé le repentir. Et c'est devenu une des plus grandes qualités de ses compagnons. Et qu'est-ce que Ka'b radiallahu anhu a raconté? Sa tawba, elle est rapportée dans les deux authentiques, et vous la trouvez également dans Riyad Salihin. De mémoire, c'est le premier hadith, c'est un très long hadith que je vous conseille de lire dans Riyad Salihin. Il raconte dans les détails son repentir jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla a accepté de lui et lui a accordé le repentir. Et Allah Azza wa Jalla a révélé « وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا دَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Après avoir dit Allah a accepté le repentir dans des versets précédents, Allah dit qu'il a accepté aussi des trois hommes qui étaient restés à l'arrière, n'étaient pas partis au combat et devant qui la terre, si vaste qu'elle fût, devenait beaucoup trop étroite. Leur propre personne leur semblait si exiguë qu'ils se sont rendus à l'évidence qu'il n'est point d'autre refuge à se sauver d'Allah qu'auprès de lui. Puis il accepta le repentir pour qu'il revienne à lui, car Allah est lui le tout absoluteur, le tout miséricordieux. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et ces trois-là, c'était des véridiques, car ils ont cité la vérité. Et après un boycott de 50 jours, Allah Azza wa Jal a révélé ce verset dans lequel il leur a accordé le repentir. Sur le chemin vers Tabouk, le Nabi Isa al-Salam est passé par un endroit qui s'appelle les lieux d'habitation des gens de l'Hijr, qui sont le peuple de Salih, le peuple de Thamoud. Leur prophète, c'est Salih, alayhi salam, un prophète arabe. Donc, et leur lieu se trouve entre le Medina et Sham. Et c'est pour eux qu'Allah Azza wa Jalla a fait sortir la chamelle de Salih. Quand Nabi Isa salam est parti par les lieux d'habitation de ces gens-là, il a demandé aux compagnons de ne passer par ces endroits qu'en pleurant, car c'est des gens qui ont été châtiés. Et c'est connu dans la sunna que quand on passe par les lieux dans lesquels il y a eu un châtiment d'Allah, il ne faut passer qu'en pleurant et on ne rend pas des visites touristiques à des endroits comme ça, bien évidemment. Si on est amené à passer, comme c'était le cas de Sahaba radiallahu anhum, on passe en pleurant. Et même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit de boire de l'eau de cet endroit. Et quand les Sahaba ils se sont arrêtés, ils ont fait de la pâte pour faire du pain avec de cette eau. Il leur a demandé de donner cette pâte à manger aux chameaux et de ne pas en faire du pain. Et il leur a autorisé de boire d'un seul puits, le puits de la chamelle, qui était la part de la chamelle de Salih. Et Nabi Isa salam est passé par cet endroit en étant couvert. Il a couvert son visage, alayhi salatu wasalam. Il était masqué, sallallahu alayhi wa sallam, par crainte d'Allah et de son châtiment. Et quand ils sont arrivés à Tabouk, il n'y avait qu'une seule source d'eau. Et Nabi Isa salam, Allah lui a donné énormément de signes, de prophéties, et entre parenthèses, de miracles dans cette bataille. Il y avait la pauvreté, il y avait très peu de provisions, et Sahaba était tellement dans la pauvreté dans cette bataille qu'il suçait les noyaux des dattes, il buvait de l'eau. Il n'avait que ça, après la fin de leurs provisions. Et Allah Azza wa Jalla a fait apparaître beaucoup de signes de prophétie sur la main du prophète alayhi salatu wasalam, et il y a eu une abondance d'eau, et à partir de cette source unique, elle est devenue abondante. Et ils ont pu boire, tous les compagnons radiallahu anhum, et remplir avec eux, et également pour la nourriture, tout ce que l'armée avait. Imaginez ça, c'est une armée de 30 000 hommes. Ils sont sortis, ils étaient 30 000 hommes. Et combien ils avaient de provisions avec eux? Ils avaient l'équivalent d'un bouc assis. Une chèvre assis, ou là une bique. Le mohim une bique, ou là une chèvre, le mohim had. De cette taille-là, assise, ça fait quoi? Ça fait 6 kilos, là, pas plus de 10 kilos de provisions pour toute l'armée. Et Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam leur a demandé de tout rassembler Et il a demandé à Allah Azzawajal de faire descendre le baraka, et ils ont rempli tous leurs sacs de ces provisions. Et à chaque fois quand ils avaient soif, Allah Azzawajal leur donnait un nuage pour eux. Et ça pleuvait sur eux jusqu'à ce qu'ils remplissent le récipient, ils boivent et ils continuent leur route. Et après ils voient que le nuage il est venu uniquement pour eux, et après il est reparti. C'est-à-dire il s'est pas déplacé à côté. Et beaucoup d'autres signes que les savants ont cités par rapport à cette bataille. Et finalement, Nabi Isa alayhi salam n'a pas rencontré son ennemi et il n'y a pas eu de combat. Et Nabi Isa alayhi salam, quand il est arrivé là, il a trouvé personne. Il a pas trouvé l'armée des Byzantins ou là des Romains, et il a décidé de faire demi-tour et de ne pas aller jusqu'à Cham, en plein milieu de Cham, parce que c'était une année difficile pour les compagnons et c'était une année très pénible pour eux. Il a décidé de faire demi-tour. Et pourtant, Nabi Isa alayhi salam a fait deux pactes d'allégeance avec le gouverneur de Ayla qui s'appelle Yuhanna ibn Ru'ba. Il a fait un deuxième pacte également avec un homme qui s'appelle Khalid. Un homme qui s'appelle Khalid, qui était le gouverneur de Ukaydar Dawma, un endroit qui s'appelait Ukaydar Dawma, tout ça dans la région de Sham. Et il est retourné à Medina, alayhi salatu wassalam. Il est arrivé à Médine pendant le mois de Ramadan de l'année 9 de l'Hégire. Et c'est dans cette bataille que Allah Azza wa Jal a révélé la majorité de Sourate At-Tawbah. Sourate At-Tawbah, qui s'appelle également Al-Fadiha. La majorité de cette sourate a été révélée dans cette bataille, dans laquelle Allah Azza wa Jal, cette sourate dans laquelle Allah Azza wa Jal a dévoilé les hypocrites et a montré leurs caractéristiques d'une manière extrêmement claire et évidente. Voilà pour Tabouk, la dernière des batailles, et à partir de maintenant, Nabi Isa alayhi salam va commencer à recevoir les délégations des tribus qui viennent annoncer leur islam. Et dans, à partir de cette année, yani après cette bataille de Tabouk, il va y avoir l'affluence des émissaires de tribus qui viendront annoncer leur islam au prophète alayhi salatu wassalam. Et pendant cette année, l'année 9, c'est Abu Bakr radiallahu anhu qui va diriger les pèlerins vers Al-Ka'ba, dans le Hajj. Et l'affluence va continuer des délégations jusqu'à ce que Nabi Isa alayhi salam fera le pèlerinage l'année suivante, qui s'est fait appeler Hajjat al-Wada', le pèlerinage d'adieu. C'est le seul que Nabi Isa alayhi salam a fait dans l'islam, et après lequel Allah Azza wa Jal prendra son âme. Et voilà pour cette première partie qu'on a terminée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va reprendre avec la deuxième partie. Et comme je vous ai dit, ça sera moins lourd que cette partie. Il va s'agir de connaître les différents points qui ont été mentionnés par l'imam Ibn Kathir rahimahullah concernant notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.